Il se refroidissait, mais l'autre enfant se réchauffait. Subitement, une interruption s'étant faite dans la bourrasque glaciale qui l'aveuglait, il aperçut, à peu de distance devant lui, un groupe de pignons et de cheminées mis en relief par la neige. Il pressa le pas. Il touchait donc enfin à des hommes. Son œil était fixé sur ses toits. Il eut vite fait d'atteindre les habitations, mais aucune porte ne s'ouvrit. C'est dans le Weymouth qu'il venait d'entrer. Weymouth était une sorte d'antique village normand échoué sur la côte d'Angleterre. Le petit errant subissait la pression indéfinissable de la ville endormie. En janvier 1690, on était au lendemain d'une assez forte peste qu'il y avait eu à Londres et que la crainte de recevoir des vagabonds malades produisait partout une certaine diminution d'hospitalité. On n'entrebâillait pas même sa fenêtre de peur de respirer leur miasme.